Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais Nouveauté. 30 jours de podcast pour mettre des paupiètes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. J'ai choisi d'ouvrir cet épisode hors série par ce magnifique monologue issu de Blade Runner parce que cet épisode est très spécial. J'ai perdu mon papa soudainement mardi 25 février à 8h30. Quelques instants avant, tout allait bien, il regardait passer les hirondelles par la fenêtre, il parlait avec ma mère, et la seconde d'après, c'était fini. Vendredi dernier, on lui a fait nos adieux, et maintenant, il n'est plus... que des cendres. Les cérémonies étaient très belles, mais elles ont fait l'effet d'un TGV en pleine gueule. Et puis, pour faire mon deuil, j'ai besoin de faire ce que j'aime faire, un podcast. Alors, ce podcast est très personnel. Et bien sûr, tu n'es pas obligé de l'écouter, cher poditeur. Mais si tu restes, sache que ce ne sera pas uniquement un moment de tristesse. Bien sûr, comme d'habitude, je vais parler de ciné. Mais tout seul, sans mon comparse le corbeau. Un seul branque triste sans son papa. Je vous parlerai de 4 films, comme d'habitude. En entrée, La cuisine américaine. Un sympathique navet avec Eddie Mitchell et Jason Lee, qu'on aimait bien. En plat principal, Cold in July, un thriller adapté de Joe R. Lansdale, qui dépeint des relations père-fils conflictuelles, que j'aurais aimé montrer à mon père. Au dessert, Indiana Jones et la dernière croisade, c'est sans doute celui qu'on a le plus vu ensemble. Et pour finir, un gros plaisir coupable qu'on partageait tous les deux, Grimsby. Tout cela sera entrecoupé d'extraits de films, de musique et de lecture. Parfois je m'adresserai à lui, et d'autres fois à toi. Ne te formalise pas et profite avec moi de l'hommage que je rends à celui qui m'a façonné. Celui qui a été un modèle et qui laisse maintenant un grand vide. Mon papa, Gilles Arien. Le soleil rasait l'horizon. Les créatures dotées de l'existence la plus brève du disque sont les éphémères. Leur durée de vie ne dépasse guère les 24 heures. Deux des plus âgés zigzaguaient sans but au-dessus des eaux d'une rivière à truites et discutaient d'histoire avec quelques jeunes congénères de l'éclosion du soir. « Ah, on n'a plus le soleil d'autrefois !» fit l'une. « C'est bien vrai, on avait du vrai soleil aux bonnes vieilles heures. » Tout jaune, rien à voir avec ce machin rouge. Et il était plus haut avec ça. Oui, vous avez raison. Les nymphes et les larves vous témoignaient un peu de respect. Oui, c'est sûr, renchérit l'hôte avec véhémence. M'est avis que si les éphémères de ces heures-ci se conduisaient un peu mieux, on aurait encore un vrai soleil. Les jeunes écoutaient avec déférence. Je me souviens, reprit une vieille, quand tout ça, c'était des champs à perte de vue. Les jeunes regardèrent autour d'elles. « Ce sont encore des champs ?» hasarda l'une d'elles après une pause polie. « Je me souviens quand c'était des champs mieux !» répliqua sèchement la vieille. « Ouais !» fit sa collègue. « Et il y avait une vache !»« C'est vrai, vous avez raison, je m'en souviens de cette vache. Elle est restée là-bas pendant... Oh, 40-50 minutes. Elle était marron, je me rappelle. »« On n'a plus de vache comme ça de nos heures. »« On n'a plus de vache du tout. »« C'est quoi une vache ?» demanda l'une des nouveau-nés. « Vous voyez ?» fit la plus vieille d'un ton triomphant. « C'est bien ça, l'éphéméroptère moderne !» Elle marqua un temps. « Qu'est-ce qu'on faisait avant de parler du soleil ?»« On zigzaguait au hasard au-dessus de l'eau, » répondit une jeune éphémère. Elle ne risquait guère de se tromper. « Non, avant ça !»« Vous nous parliez de la grande truite. »« Ah, oui, c'est ça, la truite. »« Eh bien, vous voyez, quand on a été une bonne éphémère, qu'on a zigzagué comme il faut, ici et là, et fait attention à ses aînés et supérieurs. Oui, et fait attention à ses aînés et supérieurs. Alors, la grande truite finit par... Oui, fit une des jeunes éphémères. Pas de réponse. La grande truite finit par quoi ? Lança nerveusement une autre. Elles baissèrent la tête vers une succession de ronds qui s'élargissaient à la surface de l'eau. « Le signe sacré !» s'exclama une éphémère. « Je me rappelle comment on a parlé. Un grand cercle sur l'eau. Par ce signe se manifestera la grande truite. » La plus âgée, des jeunes éphémères, contempla la rivière d'un air songeur. Elle commençait à se dire qu'elle héritait désormais, en tant qu'aînée des éphémères présentes, du privilège de voler au plus près de la surface. « À ce qu'on dit !» fit une collègue tout en haut de la nuée zigzagante. « Quand la grande truite vient vous chercher, vous vous retrouvez dans un pays où coule... où coule... » Les éphémères ne mangent pas. Elles ne trouvaient pas ces mots. « Où coule l'eau ?» termina-t-elle comme elle put. « Je me demande, » fit l'aînée. « Ça doit être drôlement bien là-bas, » dit la plus jeune. « Oh, pourquoi donc ?»« Parce que personne ne veut jamais en revenir. » Terry Pratchett, le faucheur. Des matins qui se lèvent dans le ciel de tes yeux, des lumières du jour qui tachent tes cheveux, de tes jupes que trousse du regard le soleil, et la gouache des fleurs sous des nuées d'abeilles, des printemps insolents qui effacent l'hiver, des étés qui étouffent de leurs bras incendiaires, des rires qui se brisent pour se laisser pleurer, sur des mélancolies par l'automne insufflées. Oh j'en veux encore. Et ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vie palpitée aussi belle que vaine. J'en veux encore. Je le crie sans colère au milieu du vacarme. Je finirai mon verre jusqu'à la dernière larme. Crépusculaire en jusqu'aux lumières de l'aube, des instants où le jour et la nuit marivaudent, de l'alcool qui s'ennuie de ne savoir créer, des musiques qui battent mon cœur irrégulier, des mains qui s'insinuent dans mes nuits de sommeil, l'envie toujours plus forte qu'un besoin essentiel, des horizons bouchés par le soir qui se couche, des vins ensoleillés qui coulent dans ma bouche. J'en veux encore. Ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vie palpitée aussi belle que vaine. J'en veux encore. Je le crie sans colère au milieu du vacarme. Je finirai mon verre jusqu'à la dernière larme. Qui se fissurent sur des idées nouvelles, des mots qui se répandent comme des étincelles, des soirs qui s'agrandissent un peu plus chaque jour, des je t'aime, je t'attends, des bonsoirs, des bonjours, des enfants qui m'embrassent en me disant papa, des amis qui m'accueillent dans le nid de leurs bras, l'ivresse qui s'abreuve du rouge de tes baisers, et mon corps qui réclame sans être rassasié. Oh j'en veux encore. Ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vie palpitée aussi belle que vaine. J'en veux. Se lève dans le ciel de tes yeux, des lumières du jour qui tachent tes cheveux, des rires qui se brisent pour se laisser pleurer sur des mélancolies par l'automne insufflée. Ah putain, pas quelle vacherie tu nous as fait là. Nous aussi, on en voulait encore. Tu avais découvert récemment cette chanson et tu l'adorais. Tu l'aimais tellement que tu es parti avec. T'es aussi parti avec ta chant que tu aimais tellement. On en a déjà passé dans la gazette et je me voyais pas refaire encore une fois le coup de la pipe à pépé. T'aurais aimé cette blague. Dire que Virginie et Max avaient réussi à trouver tous les tachants illustrés par la bande de Charlie Hebdo. Tu n'auras même pas pu en profiter. C'est vrai que la vie est éphémère. Tu en auras bien profité le temps que ça a duré malgré tes angoisses. Tu as eu des plaisirs dans cette vie, la chanson française dont je parlais tout à l'heure, et pour laquelle je n'ai malheureusement pas ton goût. On n'a pas partagé grand-chose de ce côté-là. Que veux-tu ? J'ai sans doute le cœur plus punk et plus de rage à contrôler. En revanche, si on a tous des penchants pour la bonne chère dans la famille, ça, on te le doit certainement. Tout comme toi, et maman, on aime bien bien manger, un bon vin, bien cuisiner, prendre du bon temps autour de la table. Bon, j'avoue que je suis plus amateur de bière et de whisky que de vin. Le vin, c'est plutôt le domaine de la frangine. Mais tu m'as passé le flambeau pour le pain et la pâtisserie. J'aurais dû te le dire, mais j'ai vraiment aimé les moments où on travaillait ensemble. C'est là que notre relation père-fils s'est renforcée. Puis il y avait aussi le cinéma. On n'avait pas franchement les mêmes goûts. Là encore, j'avais des réticences sur ce qui est français, et t'étais une vraie flippette qui tremblait des genoux devant les Charlots contre Dracula. On avait quand même des points communs. On a tous les deux vu Le Faucon au cinéma. On aime Stallone et le cinéma d'action décomplexé des années 80-90. Et les films sur la bouffe, bien sûr. Et même un petit navet franco-américain comme La Cuisine Américaine. C'est pourtant pas un très bon film, comme je l'ai dit, c'est même un navet dont nos auditeurs n'ont jamais entendu parler. Sauf les fans hardcore d'Eddie Mitchell, ceux qui ont même vu Frankenstein 90. Mais je m'égare. Bref, dans ce chef-d'œuvre culinaire, Jason Lee, le Earl de My Name is Earl, joue un cuisinier de l'armée américaine, viré par un supérieur pour insubordination. C'est une sorte de Steven Seagal, mais avec de l'humour, quoi. Après scène déconvenue, il va venir faire ses classes auprès d'un grand chef français, Eddie Mitchell. Toi, t'aimais bien Eddie Mitchell. T'avais sans doute pas vu son Frankenstein, mais t'as bien dû voir 80% de sa filmo. Et moi, j'aime bien Jason Lee. Il est excellent dans les films de Kevin Smith et incroyable en tant que Earl Hickey. Aucun des deux n'est à son avantage dans ce métrage cousu à la ficelle à rôti. L'incroyable réalisateur, Jean-Yves Pitoun, y empile les clichés et les rebondissements téléphonés comme on empilait les choux d'une pièce montée. Et puis, c'est rythmé comme un épisode de Derrick, avec une musique de porno bas de gamme. Franchement, y'a rien qui va avec ce film. Enfin, c'est pas Le Faucon non plus, mais c'est clairement un film qui a inventé le fil à couper l'eau tiède. Pourtant, on l'a toujours regardé avec un certain plaisir. Comme une paire de chaussons usées qu'on retrouve après une grosse journée de marche. T'aimais ça aussi, la marche. Bon. Et ben maintenant, faut que j'arrive à dénicher ce chef-d'œuvre dans un cache pour pouvoir le regarder avec une certaine tendresse. Bah tiens, voilà l'artiste. Oh. Voilà, gigot de poularde au vin jaune. Je t'ai mis un petit riz sauvage avec. Et pour toi, un plat du jour spécial. Les rognons grillés comme tu les aimes. À peine rosés. Oh, André, tu pourrais pas me faire plus plaisir. Ah, c'est pas tous les jours ton anniversaire, hein? Comme je les aime, à peine rosés. Quand je vois ça, je revis. Francis ! Francis ! Par ailleurs, ce que le disque compte de plus vieux, ce sont les célèbres pins comptables qui poussent à la limite des neiges éternelles des hautes montagnes du Bélier. Le pin comptable reste un des rares exemples connus d'évolution d'emprunt. La plupart des espèces évoluent toutes seules au fil du temps, ainsi que l'a voulu Dame Nature. Une méthode parfaitement naturelle, donc organique, accordée sur les cycles mystérieux du cosmos, lequel estime que rien ne vaut des millions d'années d'essais et d'échecs bien frustrants pour dérouiller une espèce, et dans certains cas, lui donner une bonne trempe. Aussi, les pins comptables évitent-ils tous ces désagréments en laissant les autres végétaux se charger de leur évolution à leur place. Une graine de pin qui se dépose n'importe où sur le disque récupère aussitôt le code génétique local le plus efficace grâce à la résonance morphique et pousse sous la forme la mieux adaptée au terrain et au climat, en quoi elle se révèle beaucoup plus habile que les arbres indigènes, qu'elle spolie d'ailleurs la plupart du temps. Mais ce qui rend les pins comptables particulièrement intéressants, c'est leur façon de compter. Vaguement conscient que les humains avaient appris à déterminer l'âge d'un arbre en dénombrant ses anneaux, les premiers pins comptables se sont dit que c'était la raison pour laquelle on les abattait. Durant la nuit, chaque pin comptable rectifiait son code génétique afin d'afficher sur son tronc, à peu près au niveau des yeux et en lettres pâles, son âge précis. En l'espace d'un an, ils frôlèrent l'extinction, décimés par l'industrie de la plaque ornementale des numéros de maison. Et quelques-uns seulement survécurent dans des secteurs difficiles d'accès. les six pins comptables d'un massif écoutaient le plus ancien, dont le tronc noueux lui attribuait 31 743 ans. La discussion est ici rapportée en accéléré car elle prit en fait 17 ans. Je me souviens quand tout ça, c'était pour des champs. Les pins embrassèrent du regard 1000 km de paysage. Le ciel tremblotait comme un mauvais trucage de cinéma sur le voyage dans le temps. De la neige apparut, resta un moment, puis fondit. « Il y avait quoi alors ?» demanda le pin le plus proche. « De la glace, si on peut appeler ça de la glace. On avait des vrais glaciers dans le temps, pas comme ceux d'aujourd'hui qui restent une saison et disparaissent aussitôt. Ils duraient une éternité !»« Il lui arrivait quoi à cette glace alors ?»« Elle est partie. »« Partie où ?» Là où vont les choses, tout finit toujours par s'en aller comme s'il y avait le feu. Oula, il était dur celui-là. Quoi donc? Bah, l'hiver qu'on vient de passer. Vous appelez ça un hiver, vous? Quand j'étais à Brissot, là oui, on en avait des hivers. L'arbre disparut. Après un silence accablé de 2 ans, un membre du massif s'exclama. Il est parti! Comme ça, il était là, puis pouf, parti! Si les autres arbres avaient été humains, ils auraient raclé des pieds par terre. « Ce sont des choses qui arrivent, mon gars, » dit l'un d'eux avec circonspection. « On l'a emmené vers un meilleur emplacement, tu peux en être sûr, c'est un bon arbre. » Le jeune arbre, âgé seulement de 5111 ans, demanda. « Un meilleur emplacement, de quel genre ?»« On n'est pas sûr, » répondit un congénère du massif. Il tremblait, mal à l'aise, sous les assauts d'une bourrasque qui soufflait depuis une semaine. Mais on croit qu'il y a de la sûre. Vu que les arbres ne pouvaient même pas avoir conscience du moindre événement se produisant en moins d'un jour, ils n'entendirent jamais les coups de hache. Terry Pratchett, le faucheur. Toi tu disais c'est pas toujours, tu disais même c'est pas ici. Toi tu disais c'était la nuit, tu disais même qu'il faisait jour. Toi tu disais c'est pas l'amour, tu disais même c'est pas l'envie. Tu disais c'est une pause, un tout petit détour. Où parfois chacun dépose ses souvenirs des belles choses, ce souvenir des belles choses, ce souvenir des belles choses. Toi tu disais c'est pour toujours, puis tu disais c'est pour la nuit. Toi tu disais c'est un secret. Avoir le même, c'est une idée. Toi tu disais, c'est par amour. Puis tu disais, c'est par ici. Tu disais, je te propose un tout petit détour. Où parfois chacun dépose ses souvenirs des belles choses. Ce souvenir des belles choses. Ce souvenir des belles choses. Ce souvenir des belles choses. Ce souvenir des belles choses. Toi tu disais c'est pas toujours. Tu disais même c'est pas ici. Tu disais c'est une pause, un tout petit détour, où parfois chacun dépose ses souvenirs des belles choses, ce souvenir des belles choses, ce souvenir des belles choses, ce souvenir des belles choses, ce souvenir des belles choses, ce souvenir des belles. J'ose espérer que mon père a été heureux jusqu'au bout. Je pense que oui. Il semble qu'il n'ait même pas eu le temps de comprendre qu'il partait. Mais qu'est-ce qu'on en sait après tout ? Maintenant, il ne reste que des souvenirs, comme disait Gaëtan Roussel. Il faut se souvenir des belles choses. On arrivait à trouver un terrain d'entente musicale avec Louise Attaque, c'est un bon début. Des souvenirs, il m'en reste à l'appel, et presque que des bons. Et puis de toute façon, les mauvais s'évanouiront avec le temps. Je me souviens, quand j'étais tout petit, j'allais pas chez la nounou. J'allais dans le labo avec mon père, et il retournait à son nappage pour m'apprendre à faire des gâteaux, surtout des tartes au citron. Et le dimanche matin, après la nuit de boulot, je rentrais à la maison avec lui, moi en vélo, et lui qui courait à côté de moi. Il aimait beaucoup courir. Quand j'étais au collège, mon père a fait un AVC. Il aurait pu s'en aller à ce moment-là, mais on a eu 30 ans de plus, et c'est une putain de seconde chance. Quasiment une seconde vie. Cet accident l'a rendu paradoxalement plus heureux, moins angoissé. Tous ensemble, on est partis au Kenya, c'était un sacré voyage, une belle aventure en famille. On en a vu du pays, la Suisse normande, la plaine de Caen, la vallée d'Auge. Oui, je sais, c'était la Normandie, mais on y était très attachés. On a aussi visité Lisbonne et vécu à Vélizy. Ah putain, j'ai jamais aimé cette ville, ni la région parisienne d'ailleurs. Je dirais bien ni les parisiens, mais ces derniers temps j'en ai rencontré des sympas, surtout chez Galaxy Pop. Mais ces années-là, où on a bossé ensemble, elles font partie de mes meilleurs souvenirs. Honnêtement, mes meilleurs souvenirs sont aussi ceux où il était devenu Papy Gilou. Il était vraiment un super papy qui laisse un grand vide dans le cœur de Joseph et Lou. Je reste avec beaucoup de regrets. On ne parlera jamais ensemble du cahier d'exode de mamie. On n'ira pas voir un match de foot de Jojo ou le spectacle de danse de Lou. Et puis, je t'ai jamais fait regarder Call in July. Call in July, c'est un polar hardboiled adapté d'un roman éponyme de Joe R. Lansdale, le créateur notamment de la série des Happ et Léonard. Un écrivain qui dépeint souvent le sud rural, le sud rural des États-Unis, le sud un peu pauvre, un peu redneck. C'est un écrivain que j'adore, et mon père, lui, n'accrochait pas. Il préférait Vargas ou Preston and Child. Pourtant, Lansdale dépeint régulièrement des relations filiales avec justesse. Et c'est tout le sujet de ce film. Une nuit, un homme pénètre par effraction dans la demeure de Richard Dane, Michael C. Hall. Ce dernier, par réflexe et pour protéger sa famille, abat l'intrus. Rongé par le remords, il se rend aux obsèques de sa victime. Il y est alors menacé par Ben Russell, le père de celle-ci, incarné par Sam Shepard. Ce dernier lui promet de lui faire subir la même chose. Après plusieurs jours d'angoisse, Russell profite de la nuit pour tenter de tuer le nouveau-né de Richard. Mais il ne parvient pas à s'y résoudre. Ils finissent par se battre et dans la bagarre, le cambrioleur perd son portefeuille. Le lendemain, après son arrestation, Richard trouve le portefeuille et en fouillant dedans, découvre une photo du fils de Ben Russell. Et c'est pas l'homme qui l'a tué. Il va s'en suivre une enquête qui implique la protection des témoins et du snuff movie. Le film n'insiste pas dessus, mais le roman développe beaucoup les relations père-fils. Richard essaye d'être un bon père, mais a beaucoup de regrets concernant son propre papa, qui a préféré s'isoler et en finir seul parce que trop gentil. De son côté, Ben a la sensation d'avoir abandonné son fils et regrette de ne pas l'avoir connu plus. L'un et l'autre vont s'offrir une seconde chance en trouvant dans l'autre qui un père, qui un fils de substitution. Et ces deux hommes vont s'associer à un cow-boy haut en couleur, incarné par Don Johnson, pour éliminer le monstre qu'a engendré Ben Russell. C'est un film âpre et violent, certes, mais aussi très humain et très touchant. Je le conseille franchement, et j'aurais dû insister pour le voir avec papa. All the kids. Tu l'aurais probablement pas aimé celle-là, papa. Tu n'aimais pas ce genre. Ça aussi, c'était une de nos différences marquées. J'ai toujours eu besoin de canaliser beaucoup de rage et de colère en moi, alors que t'étais presque toujours calme. Après, t'étais peut-être juste plus doué que moi. Et pourtant, celle-là aussi est chargée d'autres émotions. Les cris qu'on y entend au début sont ceux d'un membre du groupe. Lorsqu'ils étaient en studio et qu'ils commençaient à enregistrer ce morceau, il a reçu un appel lui annonçant la mort de son grand-père. Ces cris ont été enregistrés, et le groupe les a gardés et intégrés par hommage. Jojo aussi a crié quand je lui ai annoncé ton départ. Ça n'a pas été un moment facile, tu sais. Lui aussi tenait beaucoup à toi. Lou, ça a été différent. Elle a posé des questions, mais elle a pris un train dans la tronche lors de la messe. Je vais bien en prendre soin, essayer d'être un bon père. J'ai eu un bon modèle. À moi d'être à la hauteur. Mais différemment quand même. Tu regrettais de ne pas t'être beaucoup occupé de nous petits. Moi, je l'ai fait. Tu voulais toujours que je sorte et que je fasse du sport, alors que je voulais juste rester tranquille à la maison avec un livre ou un jeu vidéo. Tu n'as jamais compris mon intérêt pour le jeu vidéo. Maman m'a dit même que ça te faisait encore parfois râler, vaguement, que j'y joue toujours à 40 ans. J'aime la façon dont le média vidéoludique nous raconte une histoire. Et puis toi, t'as toujours aimé faire ou regarder tous les sports. Mais c'est un peu pareil, l'un comme l'autre mettent nos réflexes et notre intellect à l'épreuve. J'ai jamais pu te convaincre de t'y essayer. Je pourrais te parler des Souls, de Doom ou de Street Fighter durant des heures, que ça n'y changerait rien. En même temps, t'en as passé des heures à m'expliquer le foot, le basket et même le curling, sans jamais réussir à me faire m'y intéresser. Bon, on avait des différences, mais c'était quand même pas si terrible. On était quand même assez loin des rapports père-fils des Jones, comme on peut voir dans Indiana Jones et la dernière croisade. Quoique... Dans ce troisième et dernier volet des aventures d'Indiana Jones au cinéma, et je ne veux rien entendre sur d'illusoires volets plus récents, on rencontre le papa de notre fier aventurier, et la manière dont il est introduit est magistrale. On n'entend que sa voix et on ne voit que ses mains. Et malgré qu'il parle doucement et posément, il impose ses règles à Indy qui réagit avec un respect mêlé de crainte. Le personnage est installé sans même que nous l'ayons aperçu, ce qui en fait également un père absent ou au moins peu présent. C'est un peu la vision que j'avais aussi de mon papa, jusqu'à la fin de l'adolescence en tout cas. Beaucoup de respect et un peu de crainte, ses baffes pouvaient secouer très très fort, et le côté absent, sans être vraiment un père fantôme, il était extrêmement investi dans un métier très prenant, alors il y avait toujours cette présence chaleureuse et rassurante à nos côtés, mais c'était un peu diffus. Et c'est pas un reproche, c'est pas du tout un reproche, j'ai eu une enfance agréable et heureuse, et comme Indy et son paternel, finalement, on s'est trouvé dans une activité commune. Bon, nous, c'était pas la chasse au Graal contre les nazis, c'était un peu plus pantouflard, hein, mais c'était bien quand même. Bref, reprenons. Notre aventurier, donc, aidé par son paternel, doit retrouver le Saint Graal. Petit souci, son père est un intellectuel réfractaire à l'aventure et un peu timoré. Pas du tout taillé pour ce genre d'aventure, mais bien préparé. Contrairement à son fils, taillé pour l'action, mais un peu plus dans l'improvisation. Et c'est un euphémisme. Chez nous, c'était l'inverse. L'action, c'était plutôt papa, et l'anticipation, le côté pantoufleur, ben, c'était moi. Bien sûr, ils vont affronter des nazis, Indy croisera même le Führer dans une scène hallucinante, découvrir du pays, depuis Venise jusqu'à la Jordanie, et enfin découvrir les secrets du Graal. Bon, c'est peut-être le volet le plus faible de la trilogie, mais aussi le plus touchant et le moins gore. Et c'était bien pour papa. Tu ne croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette malle. En tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. t'aimerai toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerai, quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère. Dans le vestibule de la maison de la mort se dresse une horloge au balancier comme une lame, mais dépourvue d'aiguille, parce que dans la maison de la mort n'existe d'autre temps que le présent. Il y a eu, bien entendu, un présent avant le présent actuel, mais c'était aussi le présent. C'était un présent plus vieux, c'est tout. Le balancier est une lame qui aurait donné envie à Edgar Allan Poe d'arrêter d'écrire pour entamer une carrière de comic solo dans des tournées de patronage. Il va et vient en ronronnant, découpe en douceur de fines tranches de temps dans le jambon de l'éternité. La mort passa devant l'horloge à grands pas et pénétra dans les ténèbres opaques de son cabinet de travail. Albert, son serviteur, l'attendait avec la serviette et les chiffons. « Bonjour, maître !» La mort s'assit en silence dans son grand fauteuil. Albert étala la serviette sur ses épaules anguleuses. « Encore une belle journée » dit-il, histoire de lancer la conversation. La mort ne répondit pas. Albert fit claquer le chiffon à reluire et rabaissa le capuchon de son maître. « Albert !»« Monsieur ?» La mort sortit le tout petit sablier d'or. « Tu vois ça ?»« Oui, monsieur, très joli. Encore jamais vu un comme ça. C'est celui de qui ?»« Le mien !» Les yeux d'Albert pivotèrent. Sur un coin du bureau de la mort trônait un gros sablier dans un cadre noir. Il ne contenait pas de sable. Hey, « Je croyais que c'était l'autre, là-bas, le vôtre. » dit-il. « Ça l'était. Maintenant, c'est celui-ci. Un cadeau de départ en retraite, de la part d'Azrael lui-même. » Albert examina l'objet dans la main de la mort. « Mais... »« Mais le sable, monsieur, il s'écoule ?»« On dirait... » Mais ça veut dire... Enfin, je veux dire... Ça veut dire qu'un jour, tout le sable sera écoulé, Albert. Ça, je le sais, monsieur. Mais... Vous... Je croyais que le temps, c'était bon pour les autres, monsieur. Non ? Pas pour vous, monsieur. À la fin de la phrase, la voix d'Albert était implorante. La mort retira la serviette et se leva. Viens avec moi. « Mais vous êtes la mort, maître !» dit Albert en courant sur ses jambes torses à la suite de la haute silhouette qui traversait déjà le vestibule avant d'enfiler le couloir menant à l'écurie. « C'est pas une blague, dites » ajouta-t-il avec espoir. « Je n'ai pas une réputation de farceur. »« Bah non, évidemment, faites excuse, mais écoutez, vous pouvez pas mourir vu que vous êtes la mort. Faudrait que vous arriviez à vous-même, ce serait comme un serpent qui se mord la queue. » « Je vais quand même mourir, c'est sans appel. »« Mais moi, qu'est-ce que je vais devenir ?» Génie Albert. La terreur luisait sur ses paroles comme des particules de métal sur le fil d'un couteau. « Il y aura une autre mort. » Albert se redressa. « Je me sens vraiment pas capable de servir un nouveau maître, » déclara-t-il. « Alors, retourne dans le monde, je te donnerai de l'argent. » Tu as été un bon serviteur, Albert. Mais si je retourne... Oui, dit la mort. Tu mourras. Dans l'obscurité chaude des chevalines de l'écurie, le coursier pâle de la mort leva la tête de son avoine et poussa un petit hennissement de bienvenue. Il avait pour nom Bigadin. C'était un vrai cheval. La mort avait par le passé essayé des coursiers tout feu tout flamme et des montures squelettiques sans les trouver pratiques. Surtout les coursiers tout feu tout flamme qui avaient tendance à incendier leur propre litière et à rester au beau milieu l'air gêné. La mort décrocha la selle de son support et lança un coup d'œil à Albert en proie à un cas de conscience. Des milliers d'années plus tôt, Albert avait choisi de servir la mort plutôt que de mourir. il n'était pas exactement immortel, le temps réel était interdit de cité au royaume de la mort. Seul existait le présent perpétuellement changeant, mais il durait une éternité. Il lui restait moins de 2 mois de temps réel. Il les dorlotait comme des lingots d'or. Commença-t-il. C'est... Tu as peur de mourir ? C'est pas que je veux pas. Je veux dire, j'ai toujours... La vie, c'est une habitude difficile à perdre, quoi. La mort le regarda curieusement, comme on regarde un scarabée tombé sur le dos qui n'arrive pas à se retourner. Finalement, Albert se tut. « Je comprends », dit la mort en décrochant la bride de Bigadin. « Mais ça n'a pas l'air de vous tracasser. Vous allez vraiment mourir ?»« Oui, ce sera une grande aventure. » « Ah bon ? Et vous avez pas peur ?»« Je ne sais pas comment on a peur. »« Je peux vous montrer, si vous voulez ?» hasarda Albert. « Non, je préfère apprendre tout seul. Je vais vivre des expériences. Enfin !»« Maître, si vous partez, est-ce qu'il y aura... » Une nouvelle mort surgira de l'esprit des vivants, Albert. Oh ! Albert avait l'air soulagé. Vous sauriez pas à quoi elle ressemble, des fois ? Non. Faudrait peut-être, vous savez, que je nettoie un peu la maison, que je fasse un inventaire, des trucs comme ça. Bonne idée. Dit la mort aussi gentiment que possible. Quand je verrai la nouvelle mort, je te recommanderai chaudement. Oh, vous allez le voir alors ? Oh oui, et je dois partir tout de suite. Quoi ? Si vite ? Certainement, pas de temps à perdre. La mort, c'est la Bigadin, puis il retourna et tendit fièrement le tout petit sablier sous le nez crochu d'Albert. Regarde, j'ai du temps. J'ai enfin du temps. Albert recula nerveusement. Et maintenant que vous en avez, vous allez en faire quoi ? Demanda-t-il. La mort enfourcha son cheval. Je vais vivre. Terry Pratchett, le faucheur. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Hold in your heart. chant de supporter. Enfin, pas n'importe lequel. Cet hymne m'a toujours donné beaucoup d'espoir. C'est un petit point d'accroche-fouteux avec mon père. Et puis, c'est une superbe transition vers notre dernier film, Grimsby. Et oui, encore une fois. Ce film, poétique, fin, tout en élégance, et qui ferait rougir un fan de Guy Montagnier. Mes parents, eux aussi, adoraient ce film, comme Le Corbeau, Sixties et moi-même. Le truc, c'est que mon père a hésité à me dire qu'il avait aimé ce film, parce qu'il avait un peu peur de ce que je pourrais penser de lui. Bah, j'en pense qu'on a le même humour. Qu'une partousse d'éléphant, c'est bien plus drôle vu de l'intérieur, et que deux trous de balles anglais font une excellente flûte de pan. Putain, j'adore quand un film pousse tous ses potards au max, chie sur la gueule de tout le monde, et tout ça avec le sourire ravi du type qui sait qu'il va même réussir à choquer les trois quarts de son public. Et ce qui est très très fort, c'est que la partie action est très réussie également. Le combo Mark Strong, Scott Adkins, Louis Leterrier assure un travail très propre et plaisant. La partie comique est bien sûr le pinacle du spectacle avec un Sacha Baron Cohen au top et le reste de l'équipe qui ne le bride jamais. Mais la très grosse surprise, c'est la partie émotion. Celle qui nous raconte la séparation des deux frères qui réussit à nous toucher entre deux blagues scato. Je crois que j'ai jamais autant ri devant un film, et un film qui parle de foot encore moins. Chaque minute qui passe propose un gag plus inapproprié que le précédent, et chaque minute qui passe répond par l'affirmative à la question « Ah non putain, ils vont pas faire ça ». Moi qui suis plutôt réticent en comédie, les films tièdes au rythme mou, suivant les vieilles ficelles trop connues et trop polies, là, j'ai trouvé largement mon compte. Dis pas, de là où t'es, tu te souviens de la dernière blague que je t'ai racontée deux jours avant que tu partes ? Tu te souviens, on parlait du scandale Danone, les eaux aromatisées à la matière fécale. Et je t'ai dit que c'était ça le Perrier Rondelle. Ça t'avait fait rire. Ça t'avait vraiment fait rire. J'étais fier de moi. Quand on est sorti du crématorium, je voulais aussi dire une connerie pour essayer de détendre l'atmosphère. C'est pas... Faut bien reconnaître que quand on a vu ton cercueil disparaître derrière les grandes portes du crématorium, ça a pas été facile. On a bien morflé de pas. Du coup, j'ai pas fait ma blague en sortant. J'ai bien senti que c'était pas le moment. Tu veux que je te la raconte quand même ? Bon, ça reste entre nous alors, hein. Tu le répètes pas à maman. Bon, pour le contexte, je te rappelle que t'avais le palais sucré et du diabète. Et j'allais dire que ce serait plutôt sympa si le jour de ta crémation, ça sentait le caramel dans tout Évreux. J'en conviens, c'est pas ma meilleure blague. Mais le contexte et le public ne sont pas faciles non plus. En plus, en ce moment, je dois avouer que j'ai plus trop le goût des blagues scato. Tu ne faisais pas trop ce genre de blagues, toi non plus. Tu parlais souvent de ton prestige de père, et tu râlais même quand maman en dévoilait un peu trop. Je pourrais en raconter, mais t'en fais pas, papa. Je vais pas raconter tout ça ici. Mais j'étais content de savoir que vous étiez heureux et passionnés ensemble. Depuis que t'es parti, maman m'en a raconté d'autres d'ailleurs. Je suis content de savoir tout ça. Mais je trouvais ça plus drôle quand tu prenais un air contrit en disant « Chut, mais n'en dis pas plus, et notre prestige de parents... » T'en fais pas, papa. T'as toujours tout ton prestige, mais t'as aussi pris un gros bonus d'humanité. La vie est dure. Les temps sont mous, et l'extrême indigence de la Cinémathèque, mes bien chers frères, m'a contraint pour tuer le temps à aller aujourd'hui à la messe pour y chercher la paix de l'âme et la sérénité. Hélas, dans la fraîcheur ouatée de la cathédrale, Dieu ne m'est pas apparu parmi la cohorte bigoteuse des batraciennes et des batraciens de Bénitier, qui éructaient sans y croire les psaumes arides de leur foi moribonde avant de retourner se vautrer devant l'école des fans pour oublier les enfants du tiers-monde. Alors j'ai pensé que Dieu était encore mort, ou qu'il avait baissé les bras, et je me suis dit que si j'étais lui, ça se passerait pas comme ça. Oh non que ça se passerait pas comme ça, nom de moi de bordel de moi. D'abord, si j'étais Dieu, je me demande si je créerais le ciel, la terre, les étoiles. Le ciel et les étoiles, je dis pas. Mais la terre, je vous le demande, est-ce que c'est bien raisonnable ? D'un autre côté, si je ne crée pas la terre, quelle serait ma raison d'être ? À quoi me servirait mon incommensurable puissance et mon exquise bonté, dont les deux testaments et les quatre évangiles relatent par le menu les surprenantes manifestations, depuis l'affaire de la Golden Maudite jusqu'à la résurrection de mon fils, sans oublier bien sûr la surprenante guérison l'été dernier de Monsieur Jean Le Grubier de Nantes, Loire-Atlantique, qui fut définitivement débarrassé de son hémiplégie le jour où il se fractura le crâne en glissant dans la grotte de Lourdes. Je devrais donc me résoudre à créer la terre, c'est-à-dire les hommes, les forêts immenses et les fleuves profonds, la gazelle gracile au souffle court et les magnétoscopes portables avec ralenti et arrêt sur image, c'est tout de même mieux, notamment pour visionner le mondial ou le cul de Carole Laure en furtif entre chats. Une chose est certaine, si j'étais Dieu et si je devais créer la Terre, je m'y prendrais tout autrement. J'abolirais la mort et Jules. Qu'on ne me demande pas pourquoi j'abolirais Jules, il s'agit de ma part d'une réaction purement instinctive. Elle n'engage que moi et ne saurait en aucun cas jeter le discrédit sur cet immense artiste qui ne connut jamais la moindre trêve, pas même au cœur des années sombres où le juif et l'anglais commençaient à menacer l'amitié franco-allemande. En ce qui concerne l'abolition de la mort, elle m'apparaît à l'évidence comme une réforme de première urgence, dans la mesure où la plupart des humains renâclent farouchement à la seule idée de quitter ce monde, même quand leurs femmes les trompent à l'extérieur et que les métastases les bouffent de l'intérieur. J'irai même jusqu'à dire que c'est sa mortalité qui constitue la grande faiblesse du genre humain. Un beau jour, on entame une partie de pétanque avec des copains, sous les platanes bruissant des tourneaux, l'air sent l'herbe chaude et l'anis, et les enfants jouent nus. Et la nuit sera gaie, avec de l'amour et des guitares, et puis voici que tu te baisses pour ajuster ton tir, et clac ! Cette artère à la con te pète sous la tempe et tu meurs en Bermuda. Et c'est là, mon frère, que je pose la question. À qui est le point ? Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait le tourmenté Lamartine, qui mourut foragé après avoir vécu dans une effroyable hantise de la mort qui ne le quittait que sur les lacs crépusculaires où il aimait à s'isoler pour tripoter les genoux des tuberculeuses. Certes, je n'abolirai pas la mort pour tout le monde. En effet, il me plaît de penser que, si j'étais Dieu, il me serait infiniment agréable de conserver le statut de mortel aux bigots de toutes les chapelles, aux militaires de carrière, aux militants hitléro-marxistes, aux lâcheurs de chiens du mois d'août et de juillet, aux porteurs de gourmettes et aux descendants de Jules, dont rien ne permet de penser qu'ils hériteront de leur géniteur le moindre talent roucoulophonique, mais enfin, on sait jamais. Si j'étais Dieu, je ferais croire que j'existe par le biais de maintes manifestations époustouflantes de ma grandiose omniprésence. Par exemple, je m'immiscerais épisodiquement au cœur des conflits armés où j'adoucirais la mâle sauvagerie des corps à corps en transformant soudain les baïonnettes en pieds de rhubarbe, dont la teneur en vitamine C et B1 n'est plus à vanter. J'apaiserais les souffrances humaines à tout bout de champ, rien que pour faire mon intéressant, rendant ici la vue aux paralytiques, là ses jambes aux non-entendants, là encore sa césarienne à César. Le peuple subjugué se frapperait le poitrail en psalmodiant mon nom béni. Même les athées congénitaux rentreraient au bercail de ma sainte église le jour où, dans un éclat strident de ma divine lumière, je leur donnerai des muscles en 30 jours chez eux sans vraiment se fatiguer. Et encore que je me demande si on peut impunément coller l'adjectif strident, suggestif du son, devant le mot lumière. Enfin, si j'étais Dieu, je n'enverrais pas mon fils sur terre pour acheter les péchés du monde. J'y enverrais de préférence mon beau-frère François, qui est laid, chafouin, footballeur, et qui cache assez mal sous ses dehors de soudoué rural une âme de ruste agricole. Sic transit gloria mundi. Amen. Pierre Desproges, vivons heureux en attendant la mort. Ah, Desproges. T'aimais beaucoup tout ce qu'il a pu faire et tu m'as passé le flambeau. Il a raison ce con. Moi aussi, si j'étais Dieu, j'abolirais la mort. Enfin, pas pour tous. Tu connais mon goût pour le rap français. Et puis, je l'abolirais sans doute de manière temporaire, parce que, tôt ou tard, il faut réussir à laisser partir ce qu'on aime. Mais un peu de rab pour un match de foot de Jojo, un spectacle de loup, pour se dire au revoir ou combien j'étais fier de toi, ça m'aurait bien plu. Je ne t'ai jamais dit à quel point j'étais fier de toi. À la messe, j'ai dit que c'était par pudeur ou par bêtise. En vrai, c'est que de la bêtise. C'est ne pas dire quelque chose d'aussi important à quelqu'un qu'on aime, c'est la définition même de la bêtise. Je suis fier de l'homme que t'étais. Un homme de conviction et de valeur, que tu n'as jamais compromise. Un homme aimant, compréhensif et protecteur envers les siens. Un sacré putain de modèle à dépasser. Parce que oui, j'ai bien remarqué quelques menus défauts, et que je vais m'employer à les dépasser. Moi aussi, je veux que tu sois fier de moi, et que Joseph également. J'ai tant de raisons d'être fier de toi. Tout l'amour et le soutien que tu nous as donné. Cette main dans le dos pour nous pousser vers l'avant, ou cette main tendue pour nous relever. Cette écoute sans faille de nos moindres problèmes. Bref, tu vas nous laisser un sacré vide, papa. Mais j'ai bien conscience qu'il faut que je te laisse partir. T'es attendu ailleurs, et mamie Madeleine n'aime pas qu'on soit en retard. C'est pas le moment de faire un nouvel excès de vitesse. Au revoir, papa. J'espère que t'es bien là où tu es. nous on va continuer notre route, vivre et être heureux. Pour nous, pour maman, pour les petits, et aussi pour toi. J'espère qu'un jour on se reverra et qu'on pourra reprendre notre discussion sans être grossièrement interrompu par le destin. Et en arrivant à la rivière, le voilà ! On voit que tout le monde est déjà là. Vraiment. Tout le monde. Ce n'est pas croyable. L'histoire de ma vie. C'est qu'il n'y a aucune tristesse sur les visages. Tout le monde est très heureux de te voir, d'être venu. De dire au revoir. Au revoir tout le monde! Adieu mes amis! Adieu! Mon ange dans la rivière. you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Pas taper, je vais pas taper.